بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله Aujourd'hui le jeudi 5 ذو الحجة de l'année 1442 de l'Hégire correspondant au 15 juillet 2021, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de Durus al-Muhimma du Sheikh al-Allama Abdelaziz bin Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours dans la quatrième leçon de cette risala. Nous avons vu dans la première partie les trois catégories de Tawhid et trois catégories de shirk qui s'opposent à ces trois catégories de tawhid. Nous avons vu que comme le fait d'unifier Allah dans tous ses actes qui sont propres à lui, c'est l'unicité de la Seigneurie, croire qu'il est unique dans la création, unique dans Al-Rizq, le fait d'octroyer Al-Rizq, la subsistance, et comme il est unique dans l'Ihya ou l'Imata, il est celui qui donne la vie et qui donne la mort, et ainsi de suite. Comme le fait d'unifier Allah par ses actes qui sont propres à lui, c'est du Tawhid, dans la Seigneurie, attribué un acte qui est propre à Allah, à une créature, c'est du shirk dans la Seigneurie. Quelqu'un qui croit que autre qu'Allah peut créer comme Allah crée, c'est un mushrik dans la Seigneurie. Et on peut dire de même pour Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans la divinité, wa Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie de cette leçon dans laquelle l'imam Abdelaziz bin Baz a parlé des catégories de shirk, mais d'un autre point de vue. D'un autre point de vue qui est par rapport à la taille et la gravité de ce shirk. Il a dit « Wa aqsamu shirki thalatha » Les catégories de shirk sont au nombre de trois, c'est-à-dire de ce point de vue. Comme vous savez, il y a plusieurs points de vue selon lesquels on peut distinguer des catégories de shirk. Mais celui qui a compris une seule façon de classer ces catégories de shirk, il comprendra facilement les autres. Donc, الشرك est de trois catégories. شرك أكبر. Associationnisme majeur. وشرك أصغر. Et associationnisme mineur. وشرك خفي. Et associationnisme caché. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. Ensuite, il a commencé à donner des jugements de l'associationnisme majeur. L'associationnisme majeur, sa principale caractéristique, il en a plusieurs, mais la principale qui le distingue de shirk al-asghar, la plus importante, c'est que celui qui meurt avec un shirk akbar, il sera éternisé dans le feu de l'enfer, wal-iyadu billah. C'est un péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Donc, c'est très important ici

et nous raffermit sur la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de Salaf Saleh. Donc, shirk, c'est donner à Allah des égaux et des associés. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Il a dit, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas à Allah des égaux. Ça, c'est le premier interdit dans le Coran. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 22. C'est le premier interdit dans le Coran, c'est l'interdiction de shirk. Et le premier ordre dans le Coran, c'est l'ordre d'adorer Allah seul et de l'unifier dans son adoration. Allah Azza wa Jalla dit, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Ça, tout ça, c'est des versets qui permettent de comprendre la définition de shirk al-akbar, al-shirk majeur. Donc le devoir de chaque musulman, c'est d'être en garde contre shirk, avec toutes ses catégories, et notamment al-shirk al-akbar. Quelque chose qui n'est jamais pardonné après la mort et qui est la cause de l'éternité dans le feu de l'enfer, comment ne pas être en garde contre cela? Et cette peur de shirk doit être plus grande que la peur de tomber dans tout autre péché. Tu dois avoir peur et avoir la crainte de tomber dans shirk plus que ta peur et ta crainte de tomber dans n'importe quel autre péché. Et cette crainte et cette peur, quand elle est vraie, elle va faire que tu vas faire les causes pour t'en éloigner et t'en préserver. Notamment la demande de science. Parmi les plus grandes causes pour te préserver de shirk, c'est la demande de science, de connaître ce que c'est tawhid et ce que c'est shirk, afin de ne pas tomber dedans. Parmi les choses qui te permettent de comprendre la gravité de shirk et son grand danger, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et pardonne tout ce qui est en dehors de cela, qui il veut. Donc, shirk, c'est le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ. Celui qui meurt tout en donnant à Allah un égal ira ou entrera en enfer. Entrera en enfer. Donc celui qui meurt sur shirk, il sera éternisé en enfer. Parmi les versets qui permettent également de voir le danger et la gravité et la conséquence lourde de shirk, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. Ceux qui ont mécru auront, quant à eux, pour rétribution, auront le feu de l'enfer. لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. C'est-à-dire, ils n'auront aucune autre rétribution que celle-là. Le feu de l'enfer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Et comment ils seront dans ce feu? Allah Azza wa Jalla dit, La yuqda alayhim fayamutu, wa la yukhaffafu anhum min azabiha, kadhalika najzi kulla kafur. Aucun coup mortel ne leur sera donné. C'est-à-dire, ils ne connaîtront pas la mort dans le feu de l'enfer. Et ils ne connaîtront pas l'allègement, aucun allègement de ce châtiment ne leur sera accordé. Ils n'auront que le supplice, et leur supplice ne leur sera atténué. C'est ainsi que nous récompensons tous mécréants ingrats. Et avec tout cela, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Tout en criant au fond de l'enfer, ils diront: Seigneur, fais-nous sortir et nous ferons le bien que nous ne faisions pas autrefois. Là, ils sont prêts à faire le bien qu'ils n'ont pas fait dans Dunia, alors qu'ils avaient l'occasion. Mais la récompense, bien évidemment, est négative. Allah Azza wa Jal leur dit: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Nous ne vous avons pas donné assez longue vie. Il leur sera dit ainsi: pour que ceux qui voulaient réfléchir aient pu réfléchir. Vous aviez l'occasion de méditer, de réfléchir sur ce qu'on vous a révélé. Mais vous en êtes détourné. Et l'avertisseur n'est-il pas venu vers vous, le messager? Alors goûtez le supplice. Les injustes n'auront aucun allié pour les secourir. C'est ça l'état de celui qui meurt sur Shirk al-Akbar. Il sera éternisé en enfer et son châtiment ne sera point atténué. Et il ne mourra pas dans ce châtiment. Il restera éternellement. Il ne connaîtra plus jamais la mort, excepté la mort qu'il a connue dans Dunia. Tout ça nous montre le grand danger de shirk. Luqman alayhi salam a dit à son fils: Inna shirka la dhulmun azim. Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la dhulmun azim. L'associationnisme est une grande injustice. C'est la plus grande de toute l'injustice. C'est le plus grave de tous les péchés. Quelle chose est plus grave qu'un péché qui provoque pour celui qui meurt sur ce péché, il provoque pour lui la perte éternelle. Wal'iyadu billah. Également, parmi les choses qui nous permettent de prendre conscience de la gravité de shirk, ce qui a été rapporté dans hadith Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit, ce hadith a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, selon Ma'qil ibn Yasar, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: La shirku fikum akhfa min dabib an-naml. La shirku fikum akhfa min dabib an-naml. Certes, l'associationnisme est plus subtil et plus caché que le sang des pas de fourmis. Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fourmi qui marche à côté de vous. Est-ce que vous entendez quelque chose quand elle marche, le son de ses pas? Nabi alayhi salam n'a pas dit Ash-shirk est plus subtil et caché que le son des pas de fourmi. Il a dit il est plus caché et plus subtil. Si c'était comme les pas de fourmi, ça aurait suffi. Alors que dire qu'il est encore plus caché et plus subtil. Et comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, il a rajouté d'autres points. Il a dit, plus subtil que le son des pas de fourmis sur une pierre lisse dans une nuit noire. Yani dans la noirceur de la nuit, sur une pierre lisse, des pas de fourmis, shirk est encore plus subtil. Ça nous montre à quel point c'est subtil, et c'est caché, et c'est minutieux. Et comme a dit Cheikh Ibn Athaymi, rahmallah, quand il a lu ce athar, il a commenté en disant quelque chose qui est aussi subtil que ça et aussi caché que ça, nous demandons à Allah de nous aider afin de ne pas tomber dedans. Mais notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné une invocation pour nous préserver de ce shirk khafi, de ce shirk caché. Il a dit aux compagnons, quand il leur a dit ça, ils ont pris peur. Il leur a dit, je vais vous montrer quelque chose, si vous la dites, Allah subhanahu wa ta'ala absoudra pour vous tout le shirk, petit comme grand. Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il leur a dit de dire, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. À chaque fois que je cite cette dua, je recommande à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala de la mémoriser et de la dire dans toutes leurs salawat, dans toutes leurs rak'at. C'est une des dua les plus importantes pour toi. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Quand tu dis ça, tu demandes à Allah, tu cherches protection auprès d'Allah, tu cherches refuge auprès d'Allah contre tomber dans le shirk tout en sachant, et tu lui demandes pardon pour ce que tu ne sais pas. Ça englobe les deux catégories, ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. C'est pour ça, c'est très important de mémoriser cette dua et de la répéter très souvent. Dans un autre hadith qui a été jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Ne vous informais-je pas de ce que je crains encore plus pour vous que al-Masih ad-Dajjal? Le faux Messie. Qu'est-ce qui doit nous faire plus peur que le faux Messie? Vous connaissez tous le Messie Dajjal et vous connaissez son danger et que quand il sortira, sa fitna est immense au point où il ordonne au ciel de faire descendre la pluie et la pluie descend. À la terre de faire pousser des plantations, ça pousse, des herbes, ça pousse. Il passe sa main sur une brebis tellement maigre, elle s'engraisse, et ainsi de suite. Une fitna immense, au point où l'homme devra le fuir, comme il doit fuir toute fitna. L'homme fort dans sa foi, il ne va pas s'exposer aux fitnes, sous prétexte qu'il a une foi ferme. Tu vas trouver que les croyants qui ont la foi la plus ferme et la plus forte, c'est eux qui fuient le plus les fitnes. Et c'est les ignorants qui disent que moi, alhamdoulilah, je crains rien, j'ai pas peur, et des paroles comme ça. Ça, c'est des paroles d'ignorants. Amma l'alim, plus sa foi est forte, plus il a peur de le fitna, de manière générale. Et la plus grande des fitnes, c'est shirk. C'est pour ça, Ibrahim alayhi salam, il a dit: "Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, Rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas." Il a demandé à Allah de le préserver, lui, ainsi que sa descendance, de l'adoration des idoles, car elles ont égaré beaucoup de gens. Quand il a vu le grand nombre de personnes qui suivent les idoles, il a eu peur pour sa foi et pour sa descendance. Ibrahim Taymi, un tabi'i, a dit, en lisant ce verset que je viens de vous traduire, il a dit « وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ » Qui peut être à l'abri après toi, ô Ibrahim, contre le fitna, contre le shirk? Si Ibrahim a eu peur de shirk, Ibrahim, alayhi salam, Khalil al-Rahman, celui qui est arrivé dans l'amour d'Allah, au degré le plus élevé, au degré le plus fort, le degré qui n'admet pas le partage. Il n'y a dans son cœur que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime que Allah, et ce que Allah aime, et tout ce qu'il aime, lui, il l'aime en Allah. C'est ça, Al-Khalil. Ils n'ont atteint ce degré parmi les humains que deux hommes, Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, il a peur de shirk. Et comment nous, on peut ne pas en avoir peur avec le peu de science qu'on a, le peu de piété et de crainte d'Allah qu'on a, la faible foi qu'on a, wallah al-musta'an. Donc, le Nabi alayhi salam, il leur a dit, ce que je crains pour vous le plus que le Messie Dajjal, c'est quoi? Quand ils ont posé la question, il a dit, al-shirk al-khafi. D'où les savants ont pris cette catégorie de shirk qui s'appelle al-shirk al-khafi, al-shirk caché. Et il a décrit ce que c'est ce shirk. Il a donné un exemple. L'homme, il se lève pour sa salate, sincèrement pour Allah, et quand il voit un autre homme l'observer pendant sa salate, il embellit sa salate, il l'améliore parce qu'il le regarde. Donc il ne l'a pas amélioré pour Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a amélioré pour cette créature. Ça c'est riya, l'ostentation. L'ostentation c'est de faire une adoration pour plaire aux créatures. Et non pas pour plaire au Créateur qui est la sincérité. Et on a une autre chose qui s'appelle Suma. Suma, c'est de parler avec des choses bien qu'Allah aime pour plaire aux créatures. Et tu peux les appeler tous les deux Riya, pour simplifier. Mais sinon, Riya, il est dans ce qu'on fait et ce que les gens voient, comme son nom l'indique, min al-ru'ya, la vue, et al-sum'a, c'est ce que les gens écoutent et entendent de nous. C'est une chose qui est écoutée et ce que avec laquelle on parle. Dans les deux cas, tu fais une chose qu'Allah aime, une adoration, pour plaire et pour avoir l'estime et le respect, l'admiration, un intérêt de dunya, un poste, une fonction, qu'on dise de toi du bien, tout ça, yani de la part de la créature. Donc, Nabi alayhi salam, il a plus peur pour ses compagnons de riya, de l'ostentation, que sa peur pour eux du faux messie. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport à nous? Ça, c'est par rapport aux compagnons. L'ostentation, comme les salafs l'ont décrit, ils ont dit la maladie des pieux et des vertueux. Tu trouveras pas d'ostentation chez les gens qui sont dans les péchés. L'ostentation, c'est une maladie réservée aux gens qui sont dans l'adoration d'Allah. Elle ne se trouve que dans les adorations, que dans les actes qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit l'imam Shafi'i, il ne connaît l'ostentation que l'homme sincère. L'homme qui fait des efforts pour être sincère et qui combat son nefs pour la sincérité, c'est lui qui connaît l'ostentation. Et ça, c'est quelque chose qui est que tu vois dans la réalité des gens. Tu trouves dans la pratique des gens qui n'apprennent pas, les gens de la masse, qu'ils tombent dans le ria en permanence. Ils ne savent pas qu'ils sont tombés dans le ria. Ils te racontent toutes ces adorations. Alors que Salaf, ils cachaient leurs adorations plus que nous, on cache nos péchés. Imagine quelqu'un qui suit la sunna est tombé dans un péché grave. Est-ce qu'il aimerait que les gens prennent conscience de ce péché ou il va tout faire pour le cacher? Faut savoir que les compagnons, ils cachaient leurs adorations plus que cet homme cache son péché. Quand tu vois des paroles comme ça, tu te dis que la science, il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles. C'est simple. العلم نقطة كثره الجهال. العلم, c'est un point qui a été gonflé, multiplié par les ignorants. Mais à la base, l'ilm de salaf, c'est très simple. Œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité, l'ostentation, tout ça, c'est des notions qui étaient claires pour eux. Donc, ensuite, Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, a commencé à nous citer ce qui distingue Shirk al-Akbar. Ce qui distingue Shirk al-Akbar. Il a dit, Shirk al-Akbar yujibu hubut al-amal. Il entraîne l'annulation des bonnes actions. Il entraîne l'annulation des bonnes actions. C'est-à-dire que Shirk al-Akbar, quand la personne tombe dans le shirk majeur, ça annule, ça rend caduque toutes ses adorations, toutes ses actions. Quand la personne elle tombe dans shirk majeur, un seul, ça rend caduque toutes ses bonnes œuvres, toutes ses bonnes actions. Comme Allah Azza wa Jalla dit. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Dans le sens de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son noble prophète, il t'a été révélé de même qu'à ceux qui étaient avant toi, parmi les prophètes et les messagers. Tous, il leur a été révélé la même chose. Si tu prêtes des associés à Allah, nuls seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Donc, shirk, l'akbar, rend caduque et annule toutes les bonnes actions, sans exception. Toutes. Quelqu'un peut se poser la question. Ici, quelqu'un qui est tombé dans un shirk akbar se repent et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il en est de ses œuvres passées, de ses bonnes actions passées? Allah lui redonne toutes ses bonnes actions passées. Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne toutes ses bonnes actions passées. Et il lui absout son péché et il transforme ses péchés en des bonnes actions en plus. Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, « وَلَوَ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient prêté des associés à Allah, alors toutes leurs actions seraient parties en pure perte, en vaine, seraient devenues caduques. Donc ça, c'est le premier point qui concerne Shirk al-Akbar, un point très important. Shirk annule toutes les bonnes actions. Celui qui meurt avec un seul shirk majeur sera voué éternellement au feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. Il a cité la deuxième caractéristique, il a dit wal khuloud fi an-nar liman mata alayh, également shirk est la cause du châtiment éternel dans le feu de l'enfer pour celui qui meurt en l'ayant commis. Celui qui meurt avec un shirk majeur, il sera voué éternellement au feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Ulaika habitat a'maluhum. Ceux-là, leurs actes, leurs bons actes, seront annulés. Wa fi an-nar hum khalidun. Et ils seront éternisés dans le feu de l'enfer. La troisième chose que Cheikh a cité, wa anna man mata alayhi falan yughfara lahu wal jannatu alayhi haram. Et que celui qui meurt avec un shirk majeur, Allah ne lui pardonnera pas. Et le paradis lui sera interdit. Wal jannatu alayhi haram. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ce verset est répété deux fois dans sourate An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans le sens approximatif, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne associé ou qu'on lui associe quoi que ce soit, et pardonne tout autre péché à qui il veut. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et pardonne tout autre péché à qui il veut. Et ensuite, Cheikh Rahimahullah a commencé par citer quelques catégories de shirk al-akbar. Il a dit « Wa min anwa'ihi du'a'u al-amwati wal-asnam wal-istighathatu bihim wal-nadhru lahum. » Wa min anwa'ihi, parmi les catégories de shirk al-akbar, Dua ul amwat, invoquer les morts et les idoles et leur demander secours et faire des vœux pour eux et des sacrifices et ainsi de suite. Donc ça, tout ça, ce sont des catégories de shirk al-akbar. ومن انواعه دعاء الاموات يعني par rapport à invoquer les morts, comme vous savez, الدعاء هو العباده. النبي عليه الصلاه والسلام a dit dans le hadith authentique, l'invocation c'est l'adoration. Donc invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam. الله عز وجل دي وقال ربكم ادعوني استجب لكم يعني ادعوا الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dans le sens approximatif, votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Quant à ceux qui par orgueil se refusent à mon adoration, ils entreront dans le feu de l'enfer, humbles et soumis. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. soumis et humiliés. Donc, comme il est clair dans ce verset, Allah il nous ordonne de l'invoquer lui. Donc, l'adoration, c'est tout ce que Allah nous a ordonné de faire, c'est une adoration. Tout ce que Allah nous a informé qu'il l'aime, c'est une adoration. Tout ce que Allah a fait l'éloge de ceux qui la font, c'est une adoration. Donc ici, Allah nous a ordonné de l'invoquer lui. Et il nous a informé que ceux qui se refusent à son adoration, c'est-à-dire à son invocation, ils entreront dans le feu de l'enfer, soumis et humiliés. Dua al-amwati wal-asnam wal-istirathatu bihim, également chercher secours auprès des morts ou auprès de ceux qui ne sont pas capables, leur demander une chose dont ils n'ont pas la capacité. Et tu le trouves chez beaucoup de gens parmi les ignorants quand ils sont touchés par une épreuve, par une grande catastrophe, par une pauvreté, ils ne trouvent pas de travail, la femme n'arrive pas à avoir un enfant. Ni de ce genre d'épreuves et ni par laquelle ils peuvent être touchés, qu'est-ce qu'ils font? Tu trouves qu'ils vont vers les morts, vers les tombes, avec humilité et dévotion et concentration, et ils les implorent, ils leur demandent de réaliser la chose dont ils ont besoin. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit par rapport à celui qui exauce les invocations, il dit أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, c'est-à-dire c'est une question, c'est qui d'autre qu'Allah répond à l'appel du désespéré, celui qui est en détresse quand il l'invoque, qui le débarrasse du mal, وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, et fait de vous des héritiers sur terre. Y a-t-il donc avec Allah une autre divinité? أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ, non, mais il est rare que vous vous en souveniez. Beaucoup de gens oublient cette vérité, comme Allah l'a dit. Et ça, tu le trouves chez les ignorants, beaucoup d'eux, quand ils sont touchés par des épreuves, ils reviennent vers les morts et vers les impuissants, vers les créatures comme eux. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul capable d'exaucer l'invocation et de débarrasser du mal. Subhanahu wa ta'ala. Et il a cité an-nadr, vouer des vœux pour les morts et pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Car nadr, c'est une adoration. Et également le sacrifice, c'est une adoration. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي, dis ma salat et mon sacrifice, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي, ma vie et ma mort sont pour Allah le Seigneur de l'univers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, qu'Allah maudisse celui qui a sacrifié pour autre qu'Allah. Donc, Cheikh Rahimahullah a cité quelques exemples qui sont très répandus de shirk, l'akbar. Et ensuite, il est passé au shirk, l'asghar. Shirk, l'asghar, il l'a défini d'une manière qui ne laisse pas d'ambiguïté, walhamdulillah. Il a dit, أَمَّا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَهُوَ مَا ثَبَتَ بِالنُّصُوصِ مِنَ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ تَسْمِيَتُهُ شِرْكًا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ كَالرِّيَاءِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَالْحَلِفِ وَالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَقَوْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Donc, par rapport au shirk mineur, associationnisme mineur, sa définition, c'est ce qui a été nommé dans les textes, le Coran et la Sunna authentique, comme étant un acte d'associationnisme sans qu'il n'atteint pour autant le statut de shirk al-akbar, à l'exemple de l'ostentation dans certaines actions, et le serment par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de dire par la volonté d'Allah et celle d'un tel, et ainsi de suite. Donc ici, c'est un point très important auquel j'attire votre attention, c'est la distinction entre shirk al-akbar et shirk al-asghar. Les deux sont décrits dans les textes comme étant du shirk. Mais shirk al-asghar, il n'arrive pas au degré de shirk al-akbar. C'est-à-dire, il ne fait pas sortir de l'islam. Il n'est pas la cause de l'excommunion, de l'apostasie. Et aussi, il n'arrive pas au shirk al-akbar. Shirk al-akbar, comme on a vu, c'est donner à Allah un égal dans une de ses caractéristiques propres à lui. Donc, ça n'arrive pas à ce degré-là. Celui qui tombe dans un shirk akbar, il n'a pas donné à Allah un égal. Mais, avec sa parole, il a dit quelque chose qui laisse entendre shirk, malgré qu'il croit pas au shirk, malgré que c'est pas dans ses convictions. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un invoque autre qu'Allah, quand quelqu'un sacrifie pour autre qu'Allah, comme on a vu précédemment, il a donné à Allah un égal dans son adoration. Et l'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chaque adoration vouée à autre qu'Allah, c'est du shirk majeur. Mais si on prend d'autres choses qui ont été citées dans les textes et décrites comme étant un shirk, mais qui n'arrivent pas au shirk majeur. Comme cet homme qui a dit au prophète alayhi sallam, par la volonté d'Allah et par ta volonté. Par la volonté d'Allah et ta volonté. Donc cet homme, il ne croit pas que la volonté du prophète alayhi sallam est égale à la volonté d'Allah. Bien évidemment. Sinon, il serait devenu mécréant sans parler avec cette parole. Rien que cette croyance que quelqu'un est égal à Allah subhanahu wa ta'ala, donc quelque chose qui est spécifique à lui, qui est propre à lui, il est devenu mécréant, la grande mécréance, même s'il ne parle pas. Rien qu'avec la croyance. Mais cet homme a fait une erreur dans ses termes. C'est pour ça qu'il y a des savants qui appellent shirk al-asghar, ils l'appellent shirk, l'associationnisme, dans les termes. C'est-à-dire pas dans la croyance. Cet homme, il sait que la volonté d'Allah est au-dessus de la volonté du prophète alayhi sallam et de toutes les créatures. Mais, dans sa phrase, au lieu de dire « Masha'Allah, thumma » ensuite ce qu'un tel veut, pour montrer l'ordre et le classement d'une manière claire entre les deux volontés, et faire une séparation entre les deux volontés, lui, il a utilisé « wa » qui laisse entendre l'égalité. Qui laisse entendre l'égalité entre les deux volontés. C'est pour ça, ça, c'est un shirk dans les termes. Donc, ça a été décrit comme un shirk, car Nabi Asselam lui a dit « T'as fait de moi un égal à Allah, dis ce que Allah veut seulement. » Dis ce que Allah veut seulement. Donc, ça a été décrit comme un shirk, mais ça n'arrive pas au degré de shirk al-akbar. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils tombent dans des choses comme ça, comme ceux qui jurent par autre qu'Allah. Ils disent, ils jurent par le prophète, alayhi salatu wa salam. Ils jurent par ses parents. Ils jurent par l'allié Sidi Antel. Ça, à la base, c'est du shirk mineur. Faut pas croire, mes frères, que quand les savants disent c'est du shirk mineur, c'est pour minimiser sa gravité. Absolument pas. C'est juste pour le distinguer du shirk majeur et pour montrer qu'il est inférieur à lui dans la gravité. Mais ceux qui tombent dans shirk mineur beaucoup, en général, ils finissent par tomber dans shirk majeur. Car shirk mineur, c'est une voie vers shirk majeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas le minimiser. Il est plus grave que tous les grands péchés de jurer par autre qu'Allah, tout en sachant qu'Allah est plus grand et plus immense que celui par lequel tu jures. Ça, c'est plus grave que la fornication, que le riba, que le vol, que le mensonge. Et tu peux citer tout ce que tu veux comme grand péché. De dire « Masha'Allah wa sha'a antel », c'est plus grave que zina. Et ainsi de suite. C'est plus grave que tous les grands péchés. Ash-shirk al-asghar est plus grave que tous les grands péchés. Vous savez que l'ordre des péchés, on a le péché le plus grave, c'est ash-shirk al-akbar. Ensuite, ash-shirk al-asghar. Ensuite, al-bid'a. Ensuite, les grands péchés. Et ensuite, les petits péchés. Donc celui qui dit, quand tu le corriges, il jure par autre qu'Allah, il dit, non, moi je veux pas ça, mon intention c'est ça. On lui dit, ton intention c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, il nous a été demandé de corriger l'apparence et d'avoir, de parler avec des paroles correctes, religieusement parlant. Et le fait que t'as pas l'intention de shirk, c'est pour ça que ça c'est du shirk mineur. Sinon ça serait un shirk majeur qui te ferait sortir de l'islam. Donc c'est pas une excuse que c'était pas intentionnel ou que t'as pas voulu ça ou que t'as pas voulu ça. Comme vous avez vu, sahabi, il a pas voulu que la volonté d'Allah est égale à la volonté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette différence à bien noter entre shirk al-akbar et al-asghar, il n'est pas de la même, du même genre que shirk al-akbar. Shirk al-asghar, il n'est pas du même genre. C'est-à-dire, dans shirk al-asghar, il n'y a pas un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans une de ses caractéristiques propres à lui. Et Cheikh rahimahullah a cité un exemple de shirk al-asghar. Il a dit comme l'ostentation, كَالْرِيَاءِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ. Donc l'ostentation dans quelques actes, car l'ostentation dans tous les actes, ça c'est la grande mécréance. Et ça c'est la situation du grand hypocrite. Le peu d'ostentation, c'est ça qui arrive aux croyants. Par contre, avoir l'ostentation dans tous les actes, dans toutes les adorations, dans tous les actes, ça n'arrive qu'à un mécréant, la grande mécréance, un grand hypocrite. Et parmi les catégories de shirk al-asghar, ce que je viens de citer, les serments par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui jurent par le Kaaba, par le prophète alayhi salatu wassalam, qui jurent par son pays, qui jurent par sa mère, tout ça n'est pas permis. Et c'est du shirk mineur. C'est plus grave que tous les grands péchés. Et ceci a été rapporté, ce qui appuie ce qui vient d'être cité, ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, quand il a récité ce verset, « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ » Ne donnez pas à Allah des égaux, tout en sachant. Ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration, tout en sachant que c'est lui qui vous a créé. Il a dit, les égaux, c'est shirk, l'associationnisme. Les égaux, c'est shirk. L'associationnisme, il est plus caché que le son des pas de fourmis sur une pierre lisse, noire, dans une nuit, dans la noirceur de la nuit. Et il a donné des exemples. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il a dit comme celui qui dit « Je jure par Allah et par ta vie » ou celui qui dit « Je jure par ma vie » ou celui qui dit « Si ce n'était pas le chien, les voleurs On aurait été cambriolé cette nuit s'il n'y avait pas le chien. Donc il attribue le bienfait d'Allah à une de ses créatures. Et comme celui qui dit, si ce n'était pas les canards dans la maison, on aurait été cambriolé cette nuit. Les canards, vous savez qu'ils attaquent les gens qu'ils connaissent pas quand ils pénètrent dans la maison. Et pire encore, les oies. Et ça a été utilisé, yani, pour garder les maisons, surtout les oies. Et comme l'homme qui dit, ce que tu veux et ce que Allah veut. Et comme celui qui dit, si ce n'était pas Allah et toi, il me serait arrivé telle chose, par exemple. Il a dit, tout ça, c'est du shirk. Tout ça, c'est du shirk. Bien évidemment, tout ça, c'est du shirk mineur qui est très grave et pire que tous les grands péchés contre lesquels il faut être en garde. Ensuite, il a cité, rahimahullah, des hadiths, comme ce que je viens de vous citer. أخوف ما أخاف قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد donc rapporté selon Mahmoud ibn Labid al-Ansari qu'Allah l'agré le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce que je redoute le plus pour vous est l'associationnisme mineur. Il a été questionné à son sujet, il a dit, c'est l'ostentation. Et comme dans l'autre hadith, Nabi Issa sallam a dit, man halafa bi shay'in dun Allahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Ça a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Omar ibn al-Khattab, avec une chaîne de transmission authentique, a dit, Sheikh ibn Baz, rahimahullah. Et dans l'autre hadith, Nabi Issa a dit « Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara ou ashrak » Celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou il a associé. Il a associé. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam « La taqulu ma sha'a Allahu wa sha'a fulan » Ne dites pas par la volonté d'Allah et celle d'un tel. Walakin qulu ma sha'a Allah thumma sha'a fulan. Mais dites plutôt par la volonté d'Allah puis celle d'un tel. Donc tout ça, ça confirme ce qui a été vu. Donc c'est ce shirk, comme a dit Cheikh Ibn Baz, cette forme de shirk n'entraîne pas l'apostasie ni l'éternité en enfer, mais elle contredit al-tawhid al-kamil al-wajib, elle contredit le monothéisme complet obligatoire, elle contredit le monothéisme complet obligatoire. Les savants, comme vous savez certainement, on l'a abordé plusieurs fois, ont divergé par rapport au statut de celui qui meurt avec un shirk mineur. Est-ce que le shirk mineur, il sera traité par Allah subhanahu wa ta'ala comme les grands péchés, c'est-à-dire il est sous la volonté d'Allah, si Allah il veut, il lui pardonne et il le fait entrer directement au paradis, ou si Allah il veut, il le châtie proportionnellement à son péché et il le fait entrer au paradis par la suite. Ou est-ce que shirk mineur, il sera traité comme shirk majeur, c'est-à-dire comme Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas quand on lui donne un associé. Donc, shirk mineur, c'est une forme d'associationnisme. Est-ce que Allah ne le pardonnera pas? Et forcément, celui qui meurt avec un shirk mineur, il sera châtié dans le feu de l'enfer. Quand bien même, il s'éternisera pas. Mais il sera châtié. Ça, c'est une divergence entre les hommes de science. Et cette divergence, elle appuie la gravité de shirk. avec toutes ces catégories. Mais ce qui est sûr, c'est que ce shirk, quand bien même il ne fait pas sortir de l'islam, il contredit le monothéisme complet obligatoire. Vous savez que les degrés du monothéisme, on a le degré du monothéisme minimum qui valide la foi. Il y a un degré en dessous duquel il n'y a que la mécréance. Et au-dessus de ce degré plus élevé, il y a le degré complet obligatoire. Et ça consiste à rencontrer Allah sans aucune forme de shirk. Le premier degré, le minimum qui valide ta foi, il consiste à rencontrer Allah sans aucune forme de shirk majeur. Le deuxième, il consiste à rencontrer Allah sans aucune forme de shirk majeur, ni mineur, ni aucun grand péché duquel tu t'es pas repenti. Ça, c'est le degré complet obligatoire. Et au-dessus, il y a le degré complet surrogatoire. C'est-à-dire, en plus de vérifier ce qui a précédé, le mouahid va arriver avec plein de bonnes actions, d'actions surrogatoires. Il va délaisser ce qui est détestable. Quand bien même, c'est pas haram, c'est uniquement makruh, et ainsi de suite. C'est un degré supérieur. Et il y a des savants qui citent encore un quatrième degré, le degré où le serviteur, yani son cœur, il devient attaché entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a dans son cœur que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent que ça, c'est le degré des prophètes et des véridiques et des grands, yani des savants et des gens qui sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce degré, il contredit le monothéisme complet obligatoire, yani ce péché, al-shirk al-asghar. Mais c'est pas la cause de l'éternité en enfer, ni de la sortie de l'islam, l'apostasie. La troisième catégorie qu'il a citée, rahimahullah, c'est al-shirk al-khafi, l'associationnisme caché ou subtil. Il a été appelé, yani Cheikh, il l'a défini, il a dit, sa preuve est dans la parole du prophète, alayhi sallam, « Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-masih al-dajjal qalu bala ya rasulallah qala al-shirk al-khafi » Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous informais-je de la chose que je redoute le plus pour vous que le faux Messie? Ils ont dit oui au messager d'Allah. Il a dit, c'est l'associationnisme caché. L'homme, quand il se lève pour accomplir sa salat, il la parfait, il l'améliore en vue de l'observation d'autrui. Quand il voit quelqu'un le regarder, il améliore sa salat. Ce shirk a été appelé caché parce qu'il n'est pas visible ni entendu comme les deux catégories qui ont précédé. C'est un shirk caché qui n'est pas apparent. Si par exemple quelqu'un se prosterne devant autre qu'Allah, c'est un shirk majeur apparent. C'est un shirk majeur apparent. Quelqu'un il sacrifie pour autre qu'Allah. C'est un shirk majeur apparent. Quelqu'un invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est apparent. Tu le vois ou tu l'entends. Par contre, quand quelqu'un il se lève pour prier et il améliore sa salat, tu peux pas savoir qu'il est dans l'ostentation et qu'il est dans le shirk caché. Tu peux pas le savoir, car cette salat, elle peut être sincère. Donc, il a été appelé caché parce qu'il n'est pas visible. Il n'est pas entendu non plus. Il n'est pas apparent. Il est caché. C'est pour ça qu'il y a des savants, yani Cheikh Ibn Baz lui-même, comme dans Majmou' al-Fatawa, il a dit que la vie juste, c'est que shirk est de deux catégories seulement, majeur et mineur. Et shirk caché, c'est une autre façon de classer shirk. On peut dire que shirk également est de deux catégories. Un shirk apparent et un shirk caché. Un shirk apparent et un shirk caché. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah lui-même, il est revenu vers cet avis, il a vu que c'est l'avis le plus juste. C'est de dire que shirk, il est de deux catégories seulement, majeur et mineur. Parce que pourquoi? Quand on dit shirk caché, comme quelqu'un qui croit, yani, qui croit qu'il est autorisé d'invoquer les morts. Lui, il n'invoque pas les morts, mais il croit que c'est autorisé. Ça, c'est un shirk caché. Et c'est un shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Quelqu'un qui tombe dans l'ostentation, dans certaines de ses adorations, c'est un shirk caché. Mais c'est un shirk mineur aussi. Donc shirk caché, il revient, ou bien un shirk majeur ou mineur. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on a un shirk majeur et mineur, et on a également un shirk apparent et caché. Apparent comme celui qui invoque les morts, qui leur demande secours, qui se prosterne devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Et shirk caché, comme l'ostentation. Ça, c'est du shirk caché. Si c'est l'ostentation dans toutes les adorations, c'est du shirk caché majeur. Si c'est dans quelques adorations, c'est du shirk caché mineur. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette leçon. Dans le cours prochain, inshallah, nous allons parler du troisième degré de l'islam, qui est le degré de l'ihsan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته